The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Day. Le jour. Night. La nuit. Child. L'enfant. To play. Jouer. It is time to. C'est l'heure de. Now, a bit faster. To play. Jouer. Day. Le jour. Child. L'enfant. To play. Jouer. Day. Le jour. Night. La nuit. Day. Le jour. It is time to. C'est l'heure de. Day. Le jour. Child. L'enfant. Now, use the words in context. Le jour. It's the day of my birthday. C'est le jour de mon anniversaire. La nuit. I'm scared at night. J'ai peur la nuit. L'enfant. I like children. J'aime les enfants. Jouer. She is playing with the light. Elle joue avec la lumière. C'est l'heure de. It's time to get up. C'est l'heure de se lever. C'est l'heure de. Is it time to leave? C'est l'heure de partir. Le jour. It's the day of my birthday. C'est le jour de mon anniversaire. Jouer. She is playing with the light. Elle joue avec la lumière. C'est l'heure de. It's time to get up. C'est l'heure de se lever. C'est l'heure de. Is it time to leave? C'est l'heure de partir.